Line Oui, line in. Est-ce que tu cherches l'âne sœur? L'âne, un âne, pas l'âme, non, un âne. Elle ne comprend pas ça. Elle comprend pas ça. Je vais terminer cette introduction assez rapide avec une de mes citations. J'ai déjà écrit: Je ne suis pas un moustique, mais un garçon sympathique qui cherche à piquer ta curiosité. Aujourd'hui, le lundi 29 juillet 2024, hey, je suis tout mêlé. Monte le volume, comme d'habitude, et hume ta différence, la différence. Monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki! Oh yeah! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! ささがれい 語り草 Aying sting awing a deshamayang andunimi a silinu. Belini du puli di pul. Di pul di pul ya manasti. Ei welai. Turi tul ti rutulutui. Turi tul tu trulutuitui. Doi de débat. Doi de débat. Bienvenue à Rance Renaldienne, Renald Gagné, qui a appris une langue étrangère dans cette bouche d'un autre monde et dans le regard de plusieurs inconnus. Nous sommes prêts à une errance. On dirait un robot. Non, mais parce que j'essaie que ça... Est-ce que ça a l'air limpide? Ah, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air fou, ça a l'air fou, ça a l'air limpide, ça a l'air... Tout ce que tu veux, là, mais... Laisse-toi aller. Ah, oh, bon, et si je me laisse aller, mon Raymond, là... Si je me laisse aller, mon Raymond, tu vas ramasser jusqu'à la semaine prochaine. Là, tu m'en voudras, tu vas m'en vouloir toute ma vie, toute ta vie, toute la vie, toute... Mais ça serait mieux de m'en vouloir toute ma vie. Parce qu'après ça, lorsque je ne serai plus là, toi, tu vas être encore ici, en train d'essuyer. Bon, c'est Réginald Boisclair. Comment ça va, toi? Ah, mon Dieu! Réginald Boisclair, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Ben oui, mais t'écoutes plus Rancine Nadienne. Hey, tu pas ça, toi? Je suis toujours sa station, moi, les station, hi-fi, volupté, transfert, puis j'ai tout acheté ça, ces affaires-là, là, tu sais, c'est pas encore à la mode, on n'a même pas entendu parler. Mais moi, tu sais, j'ai toujours été à l'avant-garde, hein, les gens portaient des calottes, moi, j'ai décidé de porter une tuque, là, après ça, tu vois, tous les rappers, Bob Babin, Bim Baboum, et Bim Bapam, qui chantent leur Reggae Man, Reggae Girl, Reggae Wiggy, Reggae Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy, Wiggy. C'est un petit dérapage nocturne, on a le droit. Personne ne nous voit. Mais tout le monde nous entend. Et en parlant d'entendre, j'ai entendu dire que Reynald Gagné, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est il paraît un réanimateur assez cohérent. La radio à Québec, hey, si tu veux autre chose, si tu veux enrichir tes tympans, engraisser tes tympans de culture à part à cette heure-ci, là. Ici, c'est la déconnade, ou presque. C'est non, c'est de l'improvisation absurde. C'est tellement absurde qu'on en cherche encore. Hein. On a planté de l'absurdité cet été. On s'est dit, quand ça sera le temps de cultiver tout ça, on va faire combien d'émissions? Et là, on a calculé. On a des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres et des chambres. On a des chambres remplies de tourbes, remplies de moelles merdeuses qui servent de compostis, compostelle. On compostelle ça, on va avoir des gens qui vont marcher avec des cannes là-dessus, ça va glisser, ça va rire, ça va sentir. Ah, c'est ça la vie. Que c'est ça la vie. Marcher vers Compostelle et glisser sur la main. Retrouver le temps passé et régler bien des soucis. C'est marcher à Compostelle avec sa canne en bois verni. Et se dire et se redire avec le bois verni que c'est beau. C'est beau la vie. Hein, c'est le rime entre vernis puis c'est beau la vie. Vernis, vie. Vernis, vie. Achetez-vous du nouveau vernis, vie. Le vernis, vie en liquide ou en sachet. Si vous prenez le sachet, diluez-le à peine. Si vous prenez liquide, buvez-le

merdique, ça veut rien dire dans le floor. Hein, le plancher de danse, c'est beau, ça donne l'idée. Oh non, ça fait pas international, non, plancher de danse, là. Ah, non. Il faut y aller avec la galette, là. Les petites filles, puis les lettres avec. Ah oui, c'est comme ça se passe. Si tu l'oublies, ben, rapidement, les tics, pas les bibites, là, les tics nerveux, les tics comme ça. Ça revient constamment, pardon. Ben oui, on essaie de rester calme à cette émission-ci. Comme dans la vie, dans la vraie vie, comme je l'appelle, je suis un gars nerveux, bouillonnant, un volcan en éruption, pas en attente. Quelquefois, oui, mais on sait très bien, pour les gens qui me connaissent, qu'il ne faut pas attiser. Parce que si on attise, attention. Comme disait Serge Lama, attention, souvenir, danger. Mais ça, c'est attention, danger. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite un beau lundi. Puis nous autres, on aime ça les lundis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on les haït. On les haït, puis même, moi, le mardi, j'haïs le lundi. Le mercredi, j'haïs le lundi. Le jeudi, j'haïs le lundi. Le vendredi, j'haïs le lundi. Le samedi, j'haïs le lundi. Et le dimanche, là, je commence à... Je fais de l'urticaire. Je fais de la bronchite aiguë, là. Je fais de la brochette aussi. Je fais aussi le bacon. Et puis, la truite sortie de l'eau. Je fais la... Puis, le poisson rouge qui sort du bocal. Ah non, je ne veux pas vivre le lundi. Je passerai à côté. Pas parce que je n'aime pas mon émission. J'aime pas le lundi tout court. Je le dirai jamais assez. On me dit, tu radotes. Tu vois, si on regarde, là, si on examine ton émission, là, il y a deux choses qui reviennent le plus souvent. C'est le lundi puis le spaghetti. Ben oui, mais je suis un poète. Alors, les poètes aiment bien rimer. Alors, allons-y. Puis là, ça ne rimera pas. Allons-y. Là, attention, on dirait que ça commence par les portes du pénitencier, mais il n'en est rien. Excuse-moi, mais je crois qu'on s'est inspiré de cette chanson-là pour faire la musique des portes du pénitencier. Excusez, je peux recommencer aussi pendant deux semaines, là, mais on va arrêter ça. Là. Écoutez bien, c'est une chanson extraordinaire. Une langue que vous ne connaissez pas, sauf si vous êtes japonais ou japonaise. Êtes-vous japonaise? Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimerons le temps de cette chanson. 破れた心に傘を差し、うつろな素顔に紅を差し、明日待つのはもうやめた。セリフに二度三度燃やしてみました花の芯冷めりゃかげろう夢の夢ああ夢の夢減らし気だるい目をして繰り返す旅は 噛みしめ逃げ込んだ日陰の細道行き止まり命女の印の赤い花どこに捨てようか因果花ああ因果花 Puis, les portes du pénitencier, hein? On aurait pu même la fredonner au début, OK? Juste pour le plaisir, okay? Pour le plaisir de se faire plaisir. Ben, attendez un peu, on va la faire. OK, on y va. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que passerait ma vie à l'endroit où tout est fini. Ah, ça ressemble, hein? Oui, ça c'est mon interprétation du porte-débit, parce que je connais pas toutes les paroles. Mais c'est pas important. On appelle ça dans le milieu faire du yaourt. Mais faire du yaourt, c'est la la la la, mais moi je fais genre, bon, c'est bien. Bon, je crois que même quand on fait du yaourt, on peut faire du bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. On peut faire des blabla, on peut faire n'importe quoi, on peut faire le. Bon, mais on passera pas toute la soirée là-dessus. Quoi qu'on pourrait. On pourrait faire du yaourt. Vous, votre saveur de yaourt? Êtes-vous aux fraises? Êtes-vous aux framboises? Aux pêches? Au caramel? Au chocolat? Aux pépites? Moi, là, on est entre nous. On parle pour parler. On se regarde pour se regarder. On s'aime pour s'aimer. On se touche pour se toucher. Et moi, j'aime bien le yaourt là, quand il y a à la fin des fruits. Puis au début, c'est du yaourt. Alors, pour atteindre le paradis, tu passes vers ce qui est bon, là, mais pas extraordinairement bon. Tu sais qu'après, là, ce sera l'explosion, l'extase, la jouissance intense de tes papilles. Papilles. C'est pas pire, hein, tu papilles? T'es-tu papilles? Ah, moi, je suis papille 32. Mais avant ça, j'étais papille 72, hein, mais avec les années, on perd du nouveau papilleux. On a le papilleux un peu plus mou. Puis plus t'as le papilleux mou, plus tu cherches à le réavoir dur. Comment endurcir notre papille quand elle ne veut plus papiller? Question que je vais répondre ce soir. Parce qu'on m'a invité ici, dans cette conférence qui se presse à se terminer, que nous allons toucher un point sensible de la papille. La papille est une invention, bien sûr, sociétale pour vendre des produits gustatifs là, que nous pouvons gober, comme les conneries gouvernementales ou les conneries soit fédérales, provinciales. Nous autres, c'est le provincial, le fédéral en même temps. C'est ça qui nous irrite le tympan. Puis aussi le trou de pète, parce qu'en fait, on prend le papier hygiénique beaucoup trop rude, puis il faudrait le mettre. Hein, pardon? Mettre, oui, de la. Peut-être, moi je dirais de la poudre. Non, pour bébé, pas de la poudre. Non, pas cette poudre-là, elle coûte cher. Hein? Puis, quoi qu'il y a des gens qui se répètent, t'as sniffé le trou de pète si t'as mis là-dessus. Là. Pardon? Non, non, il n'a rien dit. Ben, il a dit des choses, mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est votre interprétation, là, oui. Ben, voyons donc, vous. Vous prenez les mots à la lettre et les lettres. Est-ce que les lettres vous prennent aux mots? Avez-vous déjà demandé une lettre? Écoute bien, là, tu sais, je t'écris des affaires, puis toi, y crois-tu? Comprends-tu le mot que je veux indiquer? Est-ce que tu penses que la compréhension de l'autre va collaborer à tout ce que tu veux m'envoyer comme idée? Mais il me semble que ça n'a pas d'allure. Fait que là, le texte parle pas, là, mais il se dit que si dans la vision que tu peux mettre sur le terme que tu veux écrire, c'est assez clair, ça. Non, mais si tu écris quelque chose puis tu ne comprends pas toi-même, je pense que l'autre aussi va avoir de la difficulté. Mais si tu te sens, mais ça dépend aussi, là. Parce qu'il y a des gens, il y a des poètes, j'en connais, qui font un peu de surréalisme, là, Errance Renaldienne, tout ça. Mais je crois qu'à travers tout ça, il y a quand même un chemin que tu peux comprendre, un fil. Un fil, on est rendu dans le coin, donc c'est un fibre optique. Un fibre optique qui peut te joindre à lui. On parle des mots, on parle de hein, à lui. Et sinon, ben, change de à ta peu, non, je vais le dire, change de discipline. Tu peux faire de la peinture. Hein? Tu peux faire de la chanson, c'est de l'écriture aussi. Mais tu peux faire aussi, ah, ben oui, tu peux aller dans l'orchestration, c'est-à-dire dans la musicalité sans mots, dans l'instrumental. Mais l'instrumental, souvent, là, ça joue avec les émotions, comme les mots, comme tout ça. Alors, si tu es branché sur toi, puis si tu as un style, sincèrement, ça va passer partout. あいつが狙ってる

en cours d'école, ben pourquoi pas. Moi, je sais jouer à des beaux jeux extérieurs, oui. Comme au yo-yo. Au yo-yo, ça joue aussi à l'intérieur. Ah non, mais moi, c'est parce que je le tire trop haut, puis je le balance dans les nuages. Et puis, quand il s'accroche dans l'arc-en-ciel, eh, monsieur, c'est plus du yo-yo, ça, là. C'est du ho-ho. Ah oui, c'est vrai. Entre le yo-yo et le ho-ho. Oh, c'est mon yo-yo. Ouais, le public vient de l'entendre. C'est pas très bon de placer la colle avant. Avant, ben il faut que tu boives de l'eau ou une boisson quelconque pour que ça puisse se diluer dans la bouche. Sinon, ça fait collant. Bon, on sait que pendant toute ta vie, tu as été collant. Non, c'est comme Gérard Depardieu. Moi, j'ai commencé par autocollant. OK. Dans le dos. Oh, voilà. Et tout le monde voulait vérifier si j'étais vraiment très, très imprégné par cette colle. Et puis, il y en a du monde qui m'ont suivi. Moi, j'avais même pas besoin de dire « En vérité, je vous le dis » ou « Mes chers frères, mes sœurs, mes demoiselles, mes yeux ne tombaient pas, restaient ancrés dans ma lunette. » Au prix que je les ai payés, c'est un tabac. Hey, non, mais je vais revenir contre l'occupation de ces verres. Ces verres, ben pas des verres de terre, des verres que tu places au niveau du nez. Oh! Non, mais la nature est quand même bien faite, hein? Parce que sinon, à quoi ça sert un nez comme ça, là? Une devanture, comme disait Cyrano de Boscan. Philippe de Boscan. Vous avez des ventures, là, là. Vous avez un pif gadget, là. Où est le gadget? À l'intérieur des deux narines. Oh, mon Dieu! Et c'est quoi? C'est du renouveau. Coupons le poêle. Coupons le poêle. Cherchons la ouelle. Cherchons la ouelle. Tirons la poêle. Car les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faut de temps pour saisir le bonheur. Mais là, le temps pour saisir le bonheur. Faut se coucher tôt. Puis faut se lever de bonheur pour le voir passer. Parce qu'il s'annonce pas, lui, le bonheur. Il dit pas, moi, là, monsieur Grenier, oui. Je serai à votre porte à 2h15. Ben, du matin, êtes-vous malade? Je rentre des bars à 3h15. Moi, à 2h, je suis même pas présent. Puis même quand je pénètre dans mon établissement, je ne suis pas présent. Je n'ai jamais été présent de ma vie. Je veux rien savoir de ça. Brouilleuse, péteur, péteuse, péteur, médeuse, non, et œuvre et brouillard. Voyons donc. Allez, René. Ah oui, c'est ombre et brouillard, ombre et brouillard. C'est l'histoire de ma vie. Ça peut pas être autre chose. Alain René m'a connu avant ma naissance, lui. Parce que c'est la voix d'Alain. Alors, vous êtes dans l'académie? Vous êtes monsieur René? René. Je René de mes cendres à chaque instant, moi. Je termine une phrase et je sens déjà la reventure, la varlope qui me galope à travers les cheveux. Puis là, il y en a, là. Ah, il y en a du cheveu là-dedans. Ah! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a comme un court-circuit nerveux qui part du SM58. Pour les initiés, vous comprendrez. Y a-t-il des initiés dans la salle? Initiés dans quelle initiation? Oh! Là, je parle pas des affaires comme... je parle pas de ça, moi, là. Je parle initié. Pardon, français. C'est ça. On va ouvrir la porte. Raymond, ouvre-moi la porte. Il n'y en a pas. Ouvre-la quand même. La porte de l'imaginaire n'a qu'un grelet. Un grelet. Et quand tu vas l'ouvrir, ça fera un grelot. Oh, monsieur, un grelot pour deux? Non, un toto pour un. Un toto. Moi, j'arrive en toto, je repars en toto, oui, je suis un toto, un dodo plutôt toto, et gado dodo, des dodo, des dodo, dodo, R2, des dodo. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds. Quand même intéressant, là. Là, dans un déguilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'en ai danse aux pieds et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce neigeux désert, où vous vous entendez à jeter des villages. J'ai acheté 3 villages. Dans ce village, il y avait du ravage. Toutes les vaches avaient mangé du ballonné jusqu'au premier. Que faire lorsqu'à la fin, du mois, arrivera le chant d'oiseau qui voudra trouver la graine qui sommeillera dans ce gazon? C'est gazon. Moi, c'est gazon. Plus il y en a, plus c'est du gazon. Moi, il y en a, c'est du gazon. Ah oui, ben là, ici, il y a un petit peu de gazon là, qui se cache derrière le buisson. Là. Il y a la quenouille, la fenouille, la nenouille, la menouille, la nenouille. Il y a une rangée de nouilles, une rangée de quenouilles. Et si vous tombez derrière ça, ben, vous êtes aussi nouilles que les rangées de la rangée de nouilles. There is a house down in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. A gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister not to do what I have done. But John, that house in New Orleans, they call the rising sun. It's 1 foot on the platform, and the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to the end of my life, down in the rising sun. Call the rising sun. It's been a road of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. Rager. Ouais, il faut ranger ses affaires. Sinon, on cherche. Combien de temps j'ai cherché le mot ouvrir, moi, là avant de savoir que c'était pour prendre la. Comment dire. La poignée de porte, elle est là. Elle est là, la poignée de porte. La tournée, Roger Tournier, non, c'est tournée. Un œuf tourné, bacon, et une mayonnaise, sans bon. Mais non, moi, j'aime ça. Pas de bacon. Moi, j'aime pas ça, le bacon. J'adore le cochon, mais pas le bacon. Ça, c'est une partie du cochon, le bacon. C'est en dessous du pied. C'est la chamelle. Ben voyons donc, j'ai jamais su ça, mais non. Ça, on veut garder ça secret. Faut laisser dormir le peuple. Le jour où il va se réveiller, ça va être la révolution. Quoiqu'à un moment donné, là, il y a quelques mois, presque un an, là, on veut la grève. Ça, c'était les petits-enfants. Là. Les adultes, on dit, hey, qu'est-ce qu'ils font là? On veut la grève. Qu'est-ce que c'est ça? En 68, on comprenait pourquoi, là. Hein? On était sclérosés à cette époque. Sclérosés, on ne savait rien. On nous avait endormis par la religion. On disait, oh, le Dieu te regarde. Oh, non, où ça? Dieu est partout. Où ça? Partout. C'est où ça? C'est partout. La radio est où? Est partout. Les ondes sont où? Sont partout. Le soleil rayonne où? Il rayonne partout. Sauf derrière un gros arbre. Ah, d'un pommier. Moi, je me suis assommé trois fois. Moi. En fait, je me suis fait assommer parce que lui, il ne savait pas l'innocent. Un arbre, comment c'est végétatif, hein? Gna, gna, gna, gna, ça pousse, gna, gna. Oui, je fais le pommier qui pousse, là. Gna, gna. Le premier pommier! C'était devant Ève. Pas innocente, elle-là, là, même si, hein? Non. Même si sa première, là, dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Je savais pas, c'est une nouvelle. Première affaire, ça, sa planète, c'est cette fille-là. Ève. Pas trop brillant, là. Et puis en plus, t'es une défricheuse, là. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est quoi, ça? C'est une voix de l'au-delà. C'est vous, l'au-delà? C'est moi, l'au-delà. OK. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un arbre. Oh! Comment vous appelez ça? Un arbre. Oui, mais comment vous appelez ça? Attendez, là. La grammaire n'existe pas encore, mais... A, première lettre de l'alphabet. Ça, on va commencer par A, parce que le A sera la première lettre de l'alphabet. Ah, voyons donc, oui. A, parce que les gens seront allergiques plus tard, là, dans plusieurs années. On va polluer en 33 ans, pas. La terre va péter, on va polluer, on va s'en avoir du plaisir, là. Jetez vos papiers par terre, là. C'est le début du monde. Faites-en de la cochonnerie, mouchez-vous par terre, puis, oh, ça va s'autogénérer, oh. Je suis prêt, moi, détruisant. Alors là, c'est ça. Ah, pour... Ah, achoum. Plus tard, ils seront... On va... Un autre mot que nous réinventerons, c'est allergie. Première lettre encore. Allergie. Arbre. Allergie. Achoum. Parce que l'arbre va amener des branches. Ce que tu vois là en haut, là, c'est tout. On vient de planter ça. En fait, ma main, là, c'est moi et Dieu, là, la main, il est planté. Même chanson qui est arrivée là-dessus. J'ai planté un chemin, c'est le premier. J'ai planté un pommier. Le premier pommier. Premier pommier va se trouver à Québec. Premier endroit que nous allons situer sur la planète, là, la Terre. On va faire une boule, on va tirer, elle va s'aplatir. Ouais, bon, il va en avoir de l'eau, mais le premier endroit pas d'eau, là, ce sera Québec. Hein, voyons, on m'a jamais... Non, non, je sais, vous savez jamais rien, on veut pas non plus rien vous divulguer avant que vous soyez prêts. Là, maintenant, vous l'êtes. Mais non, je sors de la douche. Ben, c'est ça. Dégoûté. Oh, c'est ça, je suis dégoûté par ma connaissance. Endormi. Oh, les professeurs m'ont endormi. Ben oui. T'avais-tu le goût de faire les révolutions, là, avant que tu saches ça? Non. Maintenant, ben, je suis très fier de mon pays parce que je les entends jaser sur les perrons des portes et de chaque côté, des clairons, des clôtures. Et je les entends chanter dans ma demi-saison, dans les trop courts étés et les hivers si longs. Je les entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent et de gréement, d'aboutir et finir, d'espoir et de récolte, d'amour et de voisin qui veut marier sa fille. Ève, Ève, je vous présente Ève, un gars, là. Il y a qu'elle est à l'envers. Et monsieur. Son intelligence se situe plus bas que le menton, juste encore plus bas que moi, le nombril, là. La demi-jambe, juste là, là. Ça, c'est toute son intelligence. Là. Puis une petite intelligence, mais qui va aller loin dans la vie, lui, là. Là. Ah! C'est... Ah ouais, toi, là, vas-y, vas-y, vas-y. Là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une fille. Eh bien, non, non, non, on n'a pas fait n'importe quoi, là. On t'a présenté, on t'a fabriqué, là, la plus belle des créatures, là. Oh. Et puis là, pendant, jusqu'à, je sais pas, 2030, 2040, là, tout va tourner autour de la femme, de la fille. Tout va tourner autour d'elle. Les gars, tu sais, puis tout l'environnement, les idéaux, puis on va t'en faire flamboyer de l'imaginaire là-dessus. Moi. Ah. Plus tard, on va appeler ça des vidéoclips, des petites chansons, des petites filles qui dansent. Le rat and bee, le beep and rap, le rap and pop et le banap rap. Hein? Ça, là, ouais, ça vient l'air que c'est ça. Et tranquillement, mon cher numéro 1, tu vas apprendre que Eve va vouloir avoir un petit enfant. Un petit, il va commencer à zéro dans son ventre, puis à 9, il va sortir. Pas 9 jours, 9 mois. Ah! Ça va se travailler dans ce ventre-là. Ah! Puis le reste de l'histoire, t'as connu. Voyons donc, toi. Sinon, mais fais-toi l'expliquer, là. Allez sur mon site commentçafonctionne.com. Puis si vous le savez pas, ben envoyez-moi un courriel et j'irai vous le montrer. Il n'y a pas de problème. À la bienvenue à la douce rénalité. On s'est embarqué dans quelque chose, là. Oh, à l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien du surréalisme rénal de l'Onéant gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagné. Aujourd'hui! Ça passe vite. Mais ça passe pas plus vite qu'hier. Oh, ça passe vite. Mais avant-hier, ça passe vite! Tout passe vite. C'est pas vrai. C'est vrai, je vous le dis, monsieur, voyons. C'est pas vrai. Ben, si vous saviez pas, je vous l'apprends, là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Ça sera jamais vrai. Tout ce qui nous... On se fait balancer, c'est du faux. Là, mais le plus difficile là-dedans, là, c'est de négocier... De séparer, c'est comme le blanc de la couleur, là. Hein? Se séparer pour faire un lavage, je parle. Là. Ouais, non, faut. Là, je vais recevoir des courriels. Une émission gauchiste ici, là. Le vrai du faux, hein? Est-ce que c'est peut-être vrai? Est-ce que... Ben oui. C'est vrai. L'éternuement. Vient d'un relâchement cérébral. Ah, mon dieu, j'en ai souvent, moi. Ah, apéchoum, ça s'arrête plus. Et c'est comme ça que je me sens vivant, moi. Quand il y a un chaos à tous les niveaux. Pas de chaos, pas de vie. Eh, mais mon existence est chaotique. Ah, oh, C'est comme la les rues de la ville de Québec. Oh! Il n'y a rien de lisse, hein? Si vous passez par chez nous, là, par chez nous, vous allez voir qu'il n'y a rien à voir, tout à examiner. Vous marchez à quatre pattes. Ah, une bosse. Oh, mon Dieu, c'est un creux. Un nid de poule. Ah, mon Dieu. Ah, un œuf de poule. Un coq. Ah, non. Là, ils vont tous vous envahir, puis ils vont aller vous chercher. Comme ça, eux autres. Les gens se demandent comment ça se crée des trous comme ça. On va vous le dire. C'est en bas. Ils tirent vers le bas. La croûte terrestre, là. Il y a du monde en dessous de la croûte. Là, ça tire, puis là, ça fait des trous. Puis là, quelquefois, là, quand vous regardez, vous êtes à quatre pattes, là, vous dites, ah, bon, il s'est cru, c'est cru. Puis il y a une main qui peut venir vous chercher pour vous rentrer dans le noyau. Il va vous prendre pour une guimauve, puis là, vous allez brûler. Là. Oh, ils vont manger. Hein? C'est la version rock'n'roll des contes des frères Grimm. Ils ont peur, ils ont fait bien, Dieu. Vous aimeriez ça que je vous dise que c'est pas vrai, hein? Mais c'est la réalité! Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion, jumping all over me. Well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and die. When you had no shoes on your feet, pretty mama, I helped you when you had no food to eat. Now you're the kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and give it to another man. Well, you're the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you're satisfied. You give me the blues, I want to lay down and die. Well, you give me the blues, I wanna lay down and die. Ah, aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Girard. Stéphanie Girard, la femme caméra, l'œil curieux, intelligent, vif. Voici Stéphanie Girard. Ah, aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Girard. Stéphanie Girard, la femme caméra, l'œil curieux, intelligent, vif. Voici Stéphanie Girard. Chambre froide, je porte clou ma carcasse. Dans la néant, lumière blafarde, la poussière se déplace. Elles sont tristes les balades. Sur les vélos d'appartement, des paysages et des arbres imprimés sur papier peint, jaunissant. Vers la fenêtre, je m'avance. J'ai tant besoin d'un peu d'air. Ici, je danse sur une ambiance tout à fait délétère. Mets-moi ton corps encore une fois. canapé, fermé l'accès à la cuisine. J'habite à côté de la télé, dans la moquette je prends racine. Tes derniers signes de ton absence résistent encore à l'eau qui bat. Les petits carreaux de faïence sont incrustés de ton parfum. Prête-moi ton corps. Depuis ce matin. En fait, alors attends, je peux. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Je te dis que. C'est pas bon pour la santé, faut bouger. Oui. Sais-tu qui j'ai rencontré? Non. Sophie Blondy. Ah, mais oui, mais j'aime beaucoup Sophie. Elle est super. Elle est du quartier en plus, là. Tous les deux, vous faites pilier, non? Un personnage. Ouais. Oh, oui, elle est spéciale. Pas facile à aborder, tu veux dire? Ouais. Bah, aborder. Écoute, en tout cas, elle est très solidaire avec les femmes réalisatrices. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai rencontrée il y a 20 ans et c'était le cas. Je ne sais pas comment elle a évolué maintenant. Très bien. Ben, tu vois, voilà, donc elle était très... Elle a fait un film, un documentaire sur les hip-hop. Oui, oui, oui, tout à fait. On se connaît? Oui, bonjour. Bienvenue au Chinois. Mais bienvenue chez moi. Merci. Moi, je vais prendre un Schweppes agrumes. Un Schweppes agrumes? Moi, je vais prendre un petit Chinois. Et un verre de Chinois, s'il vous plaît. Alors, bon, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ouais, écoute, ça va. Oui, ça va très bien. Tu es là depuis 3 jours, 2 jours? Depuis samedi. Oh, quand même. Et aujourd'hui, j'enchaîne 6 rencontres. Waouh. Et voilà. Et ça se passe bien? Oui, je suis allé au Bruant. Ouais. Et puis après ça, toutes les autres rencontres se sont faites ici. Et j'ai fait un petit saut rapide dans mon auberge de jeunesse pour aller chercher des piles. Oui. Parce que, ouais, il faut recharger. Ouais, je voyais que le poil commençait à descendre tranquillement. Il manquait de nourriture. Donc est-ce que tu as vu Aline Stinus cette année? Non. Tu sais, on avait dit l'année dernière qu'on oui. se verrait tous les trois. Oui. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. On a pris un café ensemble. OK. C'est vraiment une fille super, oui, qui se bouge toujours. Après, tu viens peut-être trop proche d'Avignon. Souvent, elle va en Avignon. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais que... Tu veux pas aller à Avignon faire une fois? Ça coûte cher, faut se loger. Non, ça, non, je non, sais, mais c'est pas juste ça. C'est que Avignon, c'est le bordel. Oh, ben, c'est le bordel tout le temps, oui. Et c'est... Non, mais les comédiens risquent gros, hein. Risquent ah oui, oui, oui. Ils reviennent ici déprimés. Oui, oui, ouais, enfin, non, moi, je trouve que c'est... Oui, t'as pas envie de cautionner ça. Non, mais c'est de la foire illusoire. Non, franchement, honnêtement, moi, je connais plein de gens dans le théâtre et à chaque fois, ils arrivent, pas tous, mais beaucoup arrivent à vendre leur... C'est déjà des gens, c'est les mieux implantés, hein, je te cache pas. Oui. Mais les mieux implantés arrivent parce que tous les acheteurs, tous les tourneurs sont là-bas. C'est ça. Tu vois, donc t'as 100 fois plus de chances d'être vu. Ouais. Alors, des fois, tu décroches qu'une petite salle pendant 3 semaines, mais c'est toujours mieux que rien. Mais je te parle aussi des auteurs-compositeurs-interprètes qui vont là pour être vus. Ouais, ça, c'est pareil en cinéma, au Festival de Cannes, tout ouais, ça, franchement. Ben, c'est un bordel aussi, le Festival de Cannes. Ouais, c'est un cirque. On en avait parlé, mais oui, ça change pas. Mais ils ont reculé le Festival de Cannes, pour quelle raison? Non, c'est à peu près pareil que d'hab. En fait, souvent, ça bouge à cause des week-ends fériés. Okay. Et tu sais, comme c'est des dates catholiques. Ah ouais. 1er mai, 8 mai, ça change jamais, mais eux, ils sont plutôt sur la deuxième quinzaine. Et souvent, le week-end de l'Ascension ou suite Pentecôte, ils sont pas exactement la même date d'une année sur l'autre. Et du coup, à la fois, ils essayent de viser entre, Voilà, parce que sinon les gens... Mais à la fois, certains aiment bien venir pendant le pont parce que ça gêne moins le business. Ouais. Est-ce que tu y vas souvent? J'y suis allée... Ah, au cinéma, oui. Non, non, mais au cinéma, on trinque pour le cinéma. Ah ouais, au cinéma. Oui. On trinque à nous aussi, oh, à oui, nous, le cinéma, l'avenir, et voilà. Et puis, est-ce que ta fille est encore amoureuse? Mais oui. Ça avec fait trois ans et demi. Eh bien, voilà. Ensemble. Ah, tu suis. Bon. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, il est trop mignon, toujours. Là, elle est contente puisqu'elle fait des stages. Là, c'est sa fin de première année d'études. Ah, elle a 18. Bah, elle va avoir 19 le mois prochain, ouais. Et oui, oui, elle est super contente puisqu'elle a fait un stage chez une céramiste et pendant un mois, qu'elle a appris plein de trucs. Ça s'est fini par le salon des céramistes qui a lieu à Place Saint-Sulpice, donc un truc qui est un salon international où il y a des gens de plein de pays d'Europe. Comme Cannes, comme voilà, bah, mais pour les céramistes, ouais, donc c'est un peu pointu, mais on est en moyen public. Il y a des collectionneurs qui viennent acheter et c'était super intéressant. Et tu trouves qu'elle a trouvé sa voie? Non, non. Et pour l'instant, elle est vraiment... En recherche? Ouais. Ça lui plaît, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle veut faire à la base? Elle veut faire les arts déco, mais après, elle ne sait pas dans quelle spécialité encore. Elle aime beaucoup la scénographie, l'art dans l'espace et l'illustration. Mais la céramique, elle en avait fait quand elle était plus jeune, tu vois, donc ça l'intéresse aussi. Et vraiment, là, il y avait des choses super belles. Et là, elle fait un deuxième stage dans un atelier de vitraux à Saint-Maur. Et c'est l'atelier qui a refait les vitraux de Notre-Dame, mais ils font aussi des créations contemporaines. Et comme elle n'a pas la formation, elle ne peut pas faire un stage actif parce qu'elle n'est pas formée pour travailler le vitrail. Par contre, la dame a été super, elle lui laisse les chutes à disposition, les chutes de verre, et elle peut faire une création personnelle. Donc elle apprend quand même à découper le verre, donc c'est super. Non, elle est super contente. Est-ce qu'elle suit ton chemin au niveau iconique, au niveau artistique un peu? Non, alors franchement, ah non? Elle a toujours... Moi, je ne suis pas du tout douée de mes mains. Et elle, ça a toujours été son truc. Elle est très inventive, très débrouillarde. C'est-à-dire que non seulement elle a l'idée pour faire des objets ou des œuvres d'art, mais en plus, elle sait comment faire. Tu vois, elle est bricoleuse aussi. Elle trouve aussi... Elle est inventive. Et puis pratique, quoi. Tu vois, elle sait comment faire. Enfin, à 18 ans, elle sait percer des trous. Enfin, tu vois, installer des étagères. Là, elle a construit les meubles pour exposer les... Ah, c'est bien parce qu'elle... Elle fait la scénographie aussi, ouais. Tu vois, pour sa céramiste. Mais déjà là, elle enlève tous les chaînes masculins parce qu'on dit qu'une femme, c'est pas manier. Tu sais, et c'est vraiment, je te dis, c'est inné. Hein. Elle a eu ça très, très tôt. Très, très tôt. Donc ça, c'est pas moi du tout. Alors, elle va peut-être faire des rénaux. Bah peut-être, ouais. Non, pour l'instant, elle est sur un truc plus artistique, hein, je ne te cache pas. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, la scénographie où il faut construire des décors, bah oui, ça lui... Elle sait clouer des planches. Oh, bah oui. Non, mais elle construit des trucs, elle coud, elle est épatante. Elle fait son propre linge? Ça lui arrive, elle customise en tout cas. Elle fait pas... Si, elle s'est fait des trois trucs quand même. Hey, hein. Est-ce qu'elle veut t'habiller à un moment donné? Non, parce qu'elle fait des trucs trop pointus. Je m'habille pas comme ça, mais... Trop pointu, tu veux dire trop bourgeois, trop... Non, au contraire, trop artistique, okay, trop... Ok, trop éclaté. Oui, oui. Un peu Diane Dufresne sur ça. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Ça, tu vois, donc... C'est pas forcément facile à porter. Oui, mais c'est juste pour une scène, hein. Quand c'est pour faire du spectacle, c'est ce qu'il faut. Voilà, elle va peut-être travailler là-dedans. Elle sera costumière ou... Elle pourrait. Ouais. Elle pourrait. Mais pour l'instant, c'est pas... Elle dessine aussi très bien. Elle fait des très, très belles illustrations. Elle fait des très belles aquarelles. Enfin, tu vois, là, pour l'instant, c'est assez ouvert. Et toi, comment ça va? Bon, ça va, écoute, ça va. Et les deux années d'arrêt obligatoires, comment t'as vécu ça? Lesquelles deux années? Ah oui, on en avait parlé l'année dernière. Ouais. Oh, c'était horrible. Moi, je te dis, je me suis séparée. C'est les années où je me suis séparée en plus. Donc, mais... Globalement, j'ai bien travaillé ces deux années-là, donc j'avais déjà pas de problème de ce point de vue-là. Du coup, j'avais travaillé en écriture, donc ça allait. Et puis... Mais là, tu travailles sur une série. En fait, t'as reporté une série, parce que si on se rencontre, c'est parce que t'as beaucoup d'actualité. Ouais, bon, beaucoup. Non, mais c'est juste pour faire le point sur ce qu'on s'était dit l'année dernière. Tu sais, l'année dernière, j'étais active au comité parité du syndicat de réalisatrices et réalisateurs U2R. En fait, on a sorti une partie de nos activités du syndicat parce que ça allait contre les intérêts de tous les adhérents. Enfin, en tout cas, ça ne défendait pas tous les adhérents puisqu'on avait certaines actions qui visaient à mettre en avant les femmes réalisatrices, donc qui ne s'adressaient qu'aux femmes réalisatrices. Et du coup, ça, ce n'est pas légal dans un syndicat. tu dois défendre les intérêts de tous. Ouais. C'est très masculin. Hein? Ah, mais c'est tellement conservateur. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a créé un petit collectif. Enfin, un petit collectif, on est 40 quand même, hein, 40 réalisatrices. Qui s'appelle les Mardis des réalisatrices, pour lesquelles, du coup, bah, on fait ça, on met en lumière les réalisatrices de fiction audiovisuelle, mais aussi de documentaires et de cinéma et d'animation. Et donc, on a tourné avec le... Je ne sais pas si tu connais ça, c'est à rencontrer des comédiennes qui en font partie. Le Tunnel des 50, ça fait partie de l'Association des acteurs et actrices français, l'AFA. Les actrices qui sont là-dedans. Alors, nous, on a fait un petit film, enfin, c'est pas un petit film, c'est 7, 8 vignettes, 8 petites capsules vidéo. Quoi, 30 secondes, 1 minute ? Ouais, 1 minute, voilà, tu vois, qui mettent en scène une comédienne de 60 ans qui passe un casting, qui prend un rôle et tout ça. Et chacune, on était 8 réalisatrices, du coup, sur les 40. Moi, j'ai beaucoup écrit les textes avec une camarade, Christelle Lamar. Et puis, on a travaillé comme ça avec 3 comédiennes pour organiser, on était 3 réalisatrices. Il y avait ma copine québécoise, Marie-Pascale Laurencel, Christelle Lamar et moi, et 3 comédiennes aussi pour le Tunnel des 5 ans. Et on a mis en place un tournage qu'on a tourné, enfin voilà, on a tourné à la SACD, dans les bureaux de la SACD qui sont mis à disposition des auteurs, et aussi dans le studio. Il y a des super, il y a un studio pour lui faire du podcast, il y a 2 studios pour tourner des images et tout ça. Et il faut réserver longtemps à l'avance, mais c'est à disposition. Pendant 2 jours, donc à 7 réalisatrices pour faire 8 vignettes et écoute, je touche du bois. Normalement, on va aller les présenter au Festival de La Rochelle en septembre. Donc ça, on est contente parce que c'est quand même quelque chose, personne n'était payé, il y avait du budget que pour la régie, c'est-à-dire juste les sandwichs et voilà. Et ça s'est fait dans une super ambiance, enfin, tu vois, enfin, vraiment, on a aussi des hommes, hein, des comédiens qui font partie de l'association de la FAR qui sont venus faire des petits rôles d'hommes, y compris des rôles d'hommes très misogynes. Et du c'est coup, bien, c'est ouais, bien. Ouais, ouais, oui, parce bah qu'en oui. fait, c'est pas sectaire. Ah ben, heureusement que non. Mais non, mais c'est très bien comment ça, Renat. Oui, tu fais oui. pas la révolution oui, tout non, seul. Non. Donc cette révolution-là de la parité, qui est que bah, la moitié de la population sont des femmes et que du coup, elles devraient normalement accéder à la moitié de beaucoup de choses. On n'y arrivera pas sans les hommes. C'est-à-dire, ça, quand les hommes sont en résistance, ça bloque et c'est tout. C'est vrai. Mais faire un court-métrage, parce qu'on peut dire que c'est un court-métrage, en tout cas... Oui, c'est pas fait pour être vu... Enfin, il y a une logique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a des numéros d'épisodes. Mais nous, on va les mettre sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on les aura présentés au Festival La Rochelle, on va les faire paraître sur les réseaux sociaux du Tunnel des 50 et les nôtres. Un par semaine, ou tu vois, enfin voilà, comme un petit feuilleton. Mais quand tu écris pour une minute, il y a du dialogue. Oui, alors, c'est quasiment que du dialogue. Oui, mais c'est ça, mais ça doit être une complexité. Tu as une minute, puis tu ne veux pas charger, surcharger. Non. Il faut quand même que tu aères tout ça. Oui, mais du coup, ça fait des situations qu'on comprend facilement. Tu vois, par exemple, il y a une situation au HMC, au maquillage, ou qui est toujours une, enfin, souvent en tout cas une grande violence pour les comédiennes parce que c'est là qu'on te dit qu'il faut que tu te fasses un lifting à 30 ans, que voilà, t'as toujours un truc qui va pas, qu'il faut arranger tout ça. Et là on a fait tout un truc autour d'un quelque chose que moi j'avais fait sur les, oui c'est rigolo. Et en même temps, ça appelle un chat à chat. Hein. C'est militant, mais rigolo. Mais ça peut être, tu sais, le fait de faire rire, ça peut amener une certaine tristesse. Comme Charlie Chaplin. Hein, une tristesse quand même pas, mais en tout cas, une prise de conscience, je pense. C'est-à-dire que là, en fait, si tu veux, les gens vont nous dire, vous exagérez. Or, tout ce qu'on a écrit est vrai. C'est-à-dire que c'est que des choses qu'on avait vues ou vécues. C'était inscrit en bas, ça, tout ce que... Oui. Et donc, tu vois, par exemple, moi, j'avais vu des espèces de systèmes d'élastiques, tu sais, comme des scotchs qu'on cache ensuite sous les cheveux. Comme dans le film Brésil. Ouais, c'est ça, oui. Et donc, on a joué de ça, justement, et la comédienne en question les arrache, et donc, elle a les élastiques qui pendent, tu vois, comme ça, enfin, des petites choses comme ça qui sont aussi parlantes, où il n'y a pas que du dialogue. Ça, c'est des regards, c'est à l'écoute ce qu'on lui dit, elle ne sait pas comment le prendre. Ça lui semble pas bien, mais en même temps, tout le monde, personne ne dit rien autour. Enfin, tu vois, qui sont des situations qu'on connaît souvent en tant que femme, c'est-à-dire, tu as l'impression de subir une violence, mais personne ne moufte, donc tu ne sais pas trop quoi faire, tu vois. Est-ce que tu ouvres ta gueule pour dire, c'est normal ce qui m'arrive, tu vois. Mais la maquilleuse qui est là. Oui. Oui. Ah oui, pas de problème. La maquilleuse, est-ce qu'elle parle souvent à voix haute Oui. Devant l'actrice? Oui. Mais ça, c'est vrai. Elle lui donne plein de conseils. Tu vois, non, mais en plein, il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Ah oui. T'as l'air dubitatif, mais oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il me semble que ça manque de décorum. De décorum. Ben, enfin, pourquoi... Elle est maquilleuse, tu dis rien et tu fais ton travail, tu n'as pas à poser des questions, à dire à la dame « Oh, ici, il y a un roulet, ici. » Parce que elle, ça ne l'arrange pas, parce que ça lui donne plus de boulot, parce que si la comédienne n'a pas l'air bien à l'écran, ça va lui retomber dessus. Parce que c'est aussi pour bien faire, pour dire à la comédienne, tu sais, tu devrais faire ça. Ça veut dire, prépare-toi un lifting. Oui. Ah oui, mais moi, ça, je l'ai entendu en HMC quand j'étais assistante réale. Mais son rôle, c'est comme un coiffeur, hein? Il pourrait dire à l'actrice, « Oh, ben là, t'as un cheveu sec, tu devrais... » Tu sais, il n'y a aucun commentaire à faire. Son travail, c'est de maquiller. Écoute... Parce que vous avez admis ça comme discours. En parlant pas, ils vont continuer à parler. Une actrice qui pourrait se tenir droit, c'est de dire, « Écoute, fais ton travail, maquille-moi. » Oui, mais ça implique que t'as un certain pouvoir. Oui. Exemple, Catherine Deneuve pourrait le dire. Oui. Mais tu sais, les personnes qui sont au niveau de Catherine Deneuve, comme Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, elles viennent avec leur propre maquilleuse, laquelle elles ont une autre relation, qui les connaissent par cœur, avec lesquelles elles ont mis en place tout un tas de protocoles, de machins, avec lesquels elles sont d'accord, tu vois, donc elles maîtrisent en fait. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas, à mon avis, il y a deux, c'est un peu comme l'école privée et l'école publique. Il y a des gens qui ont les moyens d'avoir un coiffeur, une maquilleuse. Il y en a d'autres. Personnel. Oui. Et d'autres pas. Exactement. Mais là, si exemple, on va prendre une actrice que je connais, Aline Stinus. Oui. OK, qui s'en va pour un rôle. Ben, oh, là, ça arrive là. Oui, elle peut rien dire. Enfin, elle peut rien dire. Hein. Elle peut dire, mais ça ne changera rien. Enfin, tu vois, c'est... Je pense qu'elle ne le dira pas. Enfin, tu vois. Hey, t'es certaine, je la connais. Mais tu la connais plus que moi, peut-être. Non, je pense que ouais, pareil, je pense, tu vois. Elle dit... Elle prend pas, faudra lui demander. Oui, ah, ça serait bien. Oui, oui. Ouais. Mais c'est abominable. Puis on dirait que vous avez l'air d'accepter ça comme ça. Bah non, la preuve, on en fait des pastilles ouais, pour dénoncer. Mais non, mais c'est des systèmes qui sont très en place, très très en place. Ouais, mais on peut y parler, tu vois, à la loge HMC, ce qu'on a fait, c'est que l'homme qui a 60 ans, donc là, le même âge, quand il arrive, la maquilleuse, elle lui fait des petits mamours, elle le trouve vraiment séduisant, elle lui dit « Oh, toi, il n'y a rien à faire », elle lui fait juste un petit coup de poudre comme ça. Ouais. Tu vois, alors que l'autre, elle est en train de lui dire qu'il y en a pour 3 heures de chantier sur elle, quoi. Ouais. Puis en plus, un homme, c'est tout le temps beau, une femme, ah, mais là... Bah ouais! Mais au contraire, hein, la sale gueule est partout, là. Non, non, c'est... Oui, c'est violent. Mais je crois que c'est pour ça aussi que... On ne peut pas réaliser ça. Si tu n'en parles pas, on ne peut pas réaliser ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut attirer. Et aussi, moi, tu sais, je suis abonnée à pas mal, à plusieurs newsletters en tout cas. À plusieurs newsletters féministes. Et justement, cette semaine, j'en ai reçu une qui disait qu'il fallait alerter la presse parce que dans le monde, il n'y a que 0,02% des articles ou des sujets qui passent à la télé qui concerne les inégalités envers les femmes. 0,0... Je me demande même si c'est pas 0,02. En tout cas, tu vois, c'est pas lourd, quoi. Donc ça, c'est un chiffre aussi dont on va se servir parce que c'est des petites vignettes qu'on va présenter à la presse en leur disant faut vous emparer de ces sujets-là parce que c'est pas qu'au cinéma. En fait, là, nous, on parle de ce qu'on connaît. Mais en réalité, c'est dans tous les domaines. Tu vois, nous, avec le collectif de réalisatrices, on a rencontré un collectif de chefs opératrices. Donc, comme nous, elles font partie du syndicat des chefs-op, mais elles ont monté leur collectif qui s'appelle Femmes à la caméra. Et on a aussi rencontré des compositrices de musique qui, pareil, font partie des instances qui concernent tous les professionnels sans distinction. Mais ont éprouvé le besoin, comme nous, de faire leur propre truc, leur propre outil, en fait, parce qu'elles entendent exactement les mêmes choses que nous. Il n'y en a pas. Nous, on entend les réalisatrices, il n'y en a pas. Elles, c'est pareil. Chef opératrice, j'en connais pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein. Tu vas sur le site là, de l'association des directeurs photos, il y en a plein. Après... là c'est un petit film, on peut prendre une femme, tu vois, jamais sur les gros budgets, jamais sur les gros trucs. Et pareil, tu vois, pour les compositifs, c'est pareil. Oh bah là, un truc avec deux instruments, mais jamais un orchestre symphonique, tu vois. Et on est tout le temps cantonné, et puis, les faits sont là, on bosse beaucoup moins que les hommes, au même niveau de compétences en fait, tu vois. Et voilà, avec les mêmes diplômes. Mais le combat n'est jamais terminé. Ah, bah jamais. Depuis qu'on se rencontre, c'est toujours le ouais. même. Ben c'est vrai, j'ai l'impression de radoter quand non, on non, se voit, non, mais non, j'avance non, quand même. Mais oui, moi, oui. Mais oh, oui, les résultats n'avancent pas. Ça, c'est vrai. Le travail est aussi constant. Ben oui, oui. C'est comme si les oreilles se fermaient et les yeux se. Bah, alors, si tu veux, moi, j'ai l'impression que là, ça commence un peu à se savoir, mais il n'y a rien qui change. Parce que c'est tellement, les habitudes sont tellement ancrées. Les gens ont l'habitude de travailler toujours avec les mêmes. Et c'est confortable, tu vois, c'est vrai que tout le monde aime bien travailler avec les mêmes copains, les mêmes copines. Enfin, à force, ça devient des copains-copines, si tu veux. Sauf que il faut aussi que la société change et que chacun a sa part à faire là-dedans, tu vois. Peut-être qu'une fois, de temps en temps, quand tu es producteur ou productrice, tu peux changer et travailler avec une nouvelle personne, par-ci, par-là, tu vois. Ah oui. Ça me semble possible. Mais déjà là, quand il y a de l'espoir, c'est cool. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, c'est une convention, ça changera jamais. Puis il reste oui, ben point, voilà. Toi, ah, oui, oui. On peut dire que tu as toujours monté en haut des barricades. Ah oui, oui. Et t'as jamais laissé aller le morceau. Puis je suis sûr que ta fille a été éduquée comme ça. Alors, mes deux enfants, mon fils aussi, sont éduqués comme ça. Mais je vais te dire que là, quand même, depuis leur génération, l'école publique me rend service aussi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu des ateliers de sensibilisation à l'égalité des genres. Alors, ça s'améliore. Bah, j'espère pour cette génération-là. Ouais, donc, moi, je ne verrai pas le résultat, je pense. Mais, enfin, en tout cas, je vois qu'ils ont dans la tête vraiment d'autres... Oui, vraiment. C'est-à-dire que ma fille est beaucoup plus choquée. Moi, ça m'a pris des années avant de comprendre que ce que je vivais n'était pas normal. Ça, ça m'était donné comme normal. Okay. Ça t'a été endoctriné. Oui. Bah oui. Ah, merci. Non, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui participent à ça. C'est que... elles n'ont pas conscience que, un, ça, c'est pas juste, deux, ça pourrait être autrement, tu vois. Regarde-moi quand tu files ton plus mauvais coton, quand tes yeux se défilent sur les traits de mon front, quand je te sens si fragile au moment de tenir bon. Combien il t'est difficile d'écrire cette dernière chanson. Regarde-moi, regarde-toi. Regarde-moi quand t'as peur que je sache que tu mens. Quand tu laisses tes erreurs peser sur mes tourments. Quand tu marches sur la tête à côté de mes pompes. Quand la musique s'arrête en contrebas de la pente. Regarde-moi, regarde-toi. Ascension, apogée et puis chute. Écoute le silence, radio. Obstruction au domaine de la lutte. On ne passe plus dans les tuyaux. Regarde-toi. Ascension, apogée et puis chute. Écoute le silence, radio. Obstruction au domaine de la lutte. On ne passe plus dans les tuyaux. Bah, c'est-à-dire que nous, si tu veux, les salles, elles ont fermé depuis carrément l'après-guerre. Hein. Oui. Dans Paris, en fait, tu avais, par quartier, hein, juste par quartier, tu avais une dizaine de salles. Oui. Ça, tu avais les cinémas de quartier. Oui. Tu allais au cinéma au coin de ta rue, partout dans Paris. C'est vrai. Ça, donc si tu veux, nous, on a l'impression que ça, c'est déjà fini depuis très longtemps. Après, on voit encore des cinémas emblématiques fermés, tu vois, genre... c'est le UGC du bas des Champs-Élysées qui a fermé, alors que c'était un truc à 7 ou 8 salles. Enfin, tu vois, ça, quand il a fermé, ça a fait un choc, parce que c'était un vrai repère, quoi. Y a d'autres cinémas sur les Champs-Élysées, dont un autre UGC plus haut. Mais quand même, c'était très choquant. Mais en même temps, hey, si t'es quatre, okay, t'as deux adultes, la père, la mère, non, mais c'est cher. Les deux enfants, c'est 45 euros chez nous. 45 euros. Ouais. Là, t'as même pas payé le maïs soufflé. Oui. Alors, le cinéma, tu vas aller le voir chez toi, tu vas le regarder sur Internet, tu vas... Non, c'est vrai que c'est très cher. Mais ouais. Donc si tu veux, nous on n'a pas l'impression que ça meurt vraiment. Mais peut-être parce qu'on est à Paris. Par contre, on a l'impression que c'est un certain cinéma qui meurt. Parce que. Le cinéma d'auteur, pas le cinéma commercial. C'est ça, parce que c'est surtout, tu vois, notamment en province, où maintenant les cinémas sont dans des sortes de centres commerciaux, tu vois, de zones d'activité, là, comme on appelle ça. Donc c'est que des multiplexes. Bah forcément, ils passent des gros films commerciaux, américains ou français, hein, d'ailleurs, les deux. Mais du coup, bah, ce n'est pas la même, la même clientèle. Et, en plus, il n'y a plus de cinémathèque, tu sais, ou d'endroit. Alors, en France, il y a des cinémathèques, mais disons qu'elles n'ont plus la même aura. Moi, j'habite à Paris, donc la cinémathèque, ça reste central dans ma vie. J'y vais mercredi. Après, les villes où j'ai fréquenté la cinémathèque, comme à Grenoble, il y a toujours une cinémathèque qui fait un festival l'été. Donc, excuse-moi, je me suis trompé, il n'y a plus de ciné-club. Non, c'est vrai. Un petit endroit, tu rentres, il y a 60-80 places, et il y a un vieux projecteur. Bah, nous, on a ça encore dans le quartier de la Sorbonne, vois, rue des écoles, on en a encore. Alors, des films comme Orson Welles. Oui, voilà, qui jouent en continu, tu vois, des films de répertoire. Ah, voilà, oui, des cinémas de films de répertoire, ça, on en a. Bien? Oui. Ah, bon. Ah oui, oui. Ouf, okay. Mais parce que on est à Paris, dans un quartier intello, enfin, tu vois, voilà. Puis le prix est-il aussi exorbitant? Non. Okay. Là, du coup, c'est aussi des. Ah, voilà. Les équipements ne sont pas les mêmes, tu ne peux pas faire payer le même prix. Et puis, c'est aussi cinémas qui fonctionnent sur un autre profil. Voilà, tu vois, c'est pas l'idée. Mais je suis quand même heureux de savoir qu'il reste encore des vieilles salles de cinéma Y en a. Et aussi, ils fonctionnent avec eux aussi, ils ont fait leur carte d'abonnement. Enfin, tu vois, finalement, je vois par rapport à l'époque où j'étais étudiante en cinéma, ça n'a pas beaucoup changé. Tu sais, c'était genre, tu as un truc qui t'a du tampon, puis au bout d'un moment, tu as une entrée gratuite. Enfin, voilà. Et est-ce puis tu as des tarifs. Souvent, ces cinémas-là, oui. Bah, j'ai moyennement le temps, mais ma fille y va. Ouais. Ah, tant mieux. Ouais. Avec son chéri. Ah, c'est bien. mais deux personnes qui s'y intéressent, c'est quand même. Ouais. Ah, c'est super. Super. Et en plus, ils reconnaissent Fellini, ils vont réapprendre. Oui. Enfin, en fait, c'est marrant parce que. Oscar, donc le copain de ma fille, l'année dernière, il a découvert Godard. Alors après, il me posait des questions. Mais vous aimez Godard? Et alors, quel film vous aimez Godard? Et qu'est-ce que vous me recommanderiez? Tu vois, c'est rigolo. Et puis Du coup, oui, évidemment que j'aime Godard. Mais après, voilà, après Godard, il a fait tellement de films et tellement de films intéressants et différents que moi, ce que j'aime, c'est pas forcément ce qui va aimer lui. Enfin, mais voilà, mais du coup, oui, on peut en discuter ensemble et c'est chouette. C'est sympa. C'est vrai. Mais toi, ta réalisatrice préférée, c'est Agnès Varda. Donc. Bah oui, et Claire Denis aussi, quand même. Claire Denis, plus contemporaine. C'est vrai, c'est vrai. Elle a fait un film très peu parlé avec. Je sais pas si c'est Cluzet. Ils sont pris dans une chambre d'hôtel. C'est avec Vincent Lindon. Vincent Lindon, ouais. C'est excellent. Ouais. Après ça, il y a eu deux, trois films qui. Oui. Mais celui-là, il était incroyable. Bah, elle fait certains films plus intimistes que d'autres. Puis l'autre, la comédienne, c'est celle qui a malheureusement raconté l'histoire de Céline Dion. Là, c'est Valérie Mercier. C'est Vendredi soir. Le film dont tu parles, c'est Vendredi soir. J'ai adoré ça. Ouais, c'est un très beau film. Et que j'ai adoré ça. Malheureusement, elle a commis d'autres choses. J'ai un peu visité les monuments saccagés sur l'eau. Et j'étais acculé jusqu'au mur reculé. C'est un docker reculé. C'est notre amour éculé. Oh, mon amour, je J'aime bien le film sur Céline. Ah oui? Ouais. Ah. Bah, en fait, moi, j'ai travaillé avec Valérie Lemercier il y a très longtemps, okay. Il y a 25 ans. Donc, c'est quelqu'un que je connais un peu. J'avais travaillé avec elle au théâtre et puis j'avais travaillé avec elle sur le premier long-métrage, Cadrille. C'était une adaptation de Sacha Guitry. Et après, je n'ai pas fait les autres parce que je suis partie faire d'autres choses et tout ça. Mais je suis passée à la réalisation. Mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Valérie, c'est quelqu'un de très généreux et de très intelligent. Et moi, je l'ai vu vraiment de sa part comme son premier film d'amour, en fait, de tous les films qu'elle a réalisés. Merci, désolée. Dans son premier film d'amour, dans le sens où il y a beaucoup d'amour dans ce film. Tu vois, l'amour de Céline pour René, l'amour des parents et des frères et sœurs entre Céline. C'est inspiré d'eux parce que c'est pas du tout de la réalité. Non, mais tout à fait. Mais c'est une fiction. Hein. Okay. Je te dis pas que c'est un documentaire ou ni même qu'elle a eu accès à. Ouais, je sais bien. Ça a pas fonctionné. Je comprends pourquoi. Okay. C'est un petit manque d'humour. Je sais que c'est un monument national, non, non, Céline et tout ça, mais... Non, la pauvre est malade. Mais, ouais, je sais. Mais... Je l'aime pas, moi, mais ça me dérange pas. Non, mais en tout mais cas... Valérie, je l'adore. Chanteuse aussi, avec Burgala. Ouais, c'était super. Moi, j'ai un t-shirt Goûte mes frites et un t-shirt 95C. Ouais, ouais. Oh. Parce que c'était l'époque où je me savais avec elle quand elle a sorti ce disque-là. Okay. Ah oui. Voilà. Mais, donc, voilà, moi, j'y vois aussi... Enfin, je te dis, moi, pour moi, c'était un film... Et c'est qu'elle a adoré tourner avec l'équipe québécoise et les comédiens québécois. Elle l'a dit sur tous les plateaux télé ici. Je peux te dire que Valérie, si elle ne le pense pas, elle ne le dit pas. Hein. Et enfin, elle est vraiment tombée en amour avec le Québec. Donc, je suis triste que ce ne soit pas réciproque pour elle. Mais vraiment, enfin, moi, je me suis dit que c'était un... J'étais très surprise en sortant parce que souvent, elle fait des films plus cérébraux. Tu vois, plus acides, plus tac. Et là, je trouvais que c'était un très beau film d'amour. Vraiment. Ah oui. Tu vois, même de Céline pour ses enfants, il y a un truc. Enfin, du personnage d'Aline. Donc, ouais, je ne l'ai pas écouté au complet, donc je vais m'y attendre. Okay, je t'en reparle. Ok. Trouves-tu, parce que je l'ai vu avant de te rencontrer au Québec, oui. Trouves-tu que ton film a bien vieilli? Bah écoute, globalement, oui. Enfin, moi, je ne referais pas forcément les choses de la même manière. Mais moi, ça fait un moment que je n'ai pas vu là pour le coup. Mais, pourquoi tu ne ferais pas ça de la même manière? Je sais pas, toi. Non, mais c'est avec l'expérience où je me dis, ah là là, là, faudrait pas que je me fasse avoir, parce que je sais qu'il y a des plans que j'ai pas montés, parce que tu vois, il y avait eu des problèmes sur le tournage. Du coup, j'aimerais bien faire retour vers le futur et changer deux, trois trucs. Oui. Bon, après, il a toujours les limites qu'on a eues du manque de moyens, de manque de temps, tout ça, tu vois, mais vieillir, non, parce qu'en fait, le thème, il est toujours. Mais la force de ce film-là, comme ce genre de film-là, c'est le non-dit qui dit tout vers la fin. Oui. C'est comme si tu comprenais tout. Ben c'est un peu comme Citizen Kane, tu comprends tout à la fin. Oui, il y a une relecture. Oui. Donc, c'est de prendre. Et ça, j'aime ça quand je vais voir un film qui me prend pour un être intelligent, c'est de prendre le spectateur pour quelqu'un qui peut réfléchir, bah oui. Arrêter de le gaver de conneries, oui, puis oui, présenter lui. Oui, mais ça, c'est la base. Moi, je ne peux pas penser que. Ben oui, il faut que ce soit consistant. Mm. C'est bien beau les burgers, mais aller avec quelque chose qui peut en plus, ce film-là, les comédiens, nous, un peu comme des films, et ça, c'est, ça me revient souvent, je trouve que t'es... Les gens qu'on voit dans ton film, les personnages, c'est comme dans un film de Jean Blanc, voyons donc, celui qui a fait... je parlais de ses personnages, puis il pleurait, voyons... Il y en a tellement en plus de réalisateurs. Oui. Il est décédé. Claude Chautin. Oui. Oh. Je trouve que. Mais oui, parce que les personnages vivent avec nous. Merci. Vivent avec nous. Parce que le conflit des générations. Je ne te raconterai pas ton film, tu le connais. mais c'est ça, c'est que après, tu dis. Il me semble que ma voisine ressemble à cette personne. Alors, tu vois les personnages que tu as vus sur une surface écranée. Moi, je les aime, mes personnages, évidemment, parce que j'aime les gens. Claude Chautin aussi. Les gens m'intéressent, ça. Voilà. Mais lui, quand il parlait de ses personnages, il pleurait. Emmanuel Béard, quand il parlait de son rôle dans l'hiver, parce que peu importe, il y a l'hiver dedans, là. Non, il n'y a pas l'hiver. Un cœur en hiver. Oui, c'est ça. Un cœur en hiver. Parce qu'elles ont fait Nelly et Monsieur Arnaud ensemble, mais ils ont fait un cœur en hiver qui est un film magnifique. Oui, magnifique. Et c'est ça, c'est le côté très, très tendre de tes personnages. Oui. Ben, merci. Écoute, je suis contente parce que, enfin, le film est sorti en DVD. Ah, il a été édité en France et il est sorti au mois de mars. Par un petit éditeur. Ah bah oui. Pourquoi? Bah écoute, il est sorti en salle en 2015. Ouais. Et tu vois, là, on était en 2023. Et moi, j'ai trouvé un petit éditeur qui est super, Félix Leto, les éditions indépendantes, formidable, et un d'édition. Et donc, il m'a fait un truc un peu collector, tu vois, pour cinéphiles, avec des petits bonus. Ah, et oui. Donc, on s'est revus avec les deux comédiennes, Nina et Anna. Bon, souvent, je les... Oh, ben, merci. Mais ça me fait plaisir, parce qu'en fait, est-ce que des... On voit-tu le tournage? Alors, non. Okay. On n'a pas fait de making-of. Mais, si tu veux, elles sont venues chez moi et on s'est rappelé des souvenirs du tournage. Et ça, c'est filmé. Ouais, ça, c'est filmé. Ah, c'est le bonus. C'est chouette. Ah, ouais, bon, oui, ah, ça, c'est un des bonus. Ouais, alors il est en vente soit sur le site d'édition, soit chez Gibert. Moi j'ai fait une séance de dédicace chez Gibert là à Saint-Michel. C'est dans quel arrondissement? Dans le 6e. Okay. Vers la Sorbonne, tu vois. Okay. C'est un super magasin. Au rez-de-chaussée, tu as les DVD, donc c'est vraiment pour les cinéphiles, et les BD et les mangas. Et au sous-sol, tu as tous les disques vinyles. Ah oui. Oh, c'est un endroit usagé ou neuf? Les deux. Non, mais principalement neuf. En tout cas, les DVD sont neufs. Ok. Ah, j'ai joli. Ouais, c'est collector. Ben, peut-être. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, ils en ont pas fait plusieurs exemplaires? Si, bien sûr. Okay. Si, il y en a plein. Et ils sont aussi disponibles chez Gibert, les Gibert en province. Okay. Et sinon, on peut les commander sur le site ou Amazon. De l'éditeur. Ouais. Amazon. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Donc j'étais contente, ça, parce que tu vois, c'est, ça fait plaisir parce que c'est une autre vie du film. Enfin, voilà. Et aussi qu'à chaque fois qu'on me disait, mais comment on peut voir ton film? Et ben, il était sur aucune plateforme, et tatata. Enfin, tu vois, et là, voilà, là, on peut prendre un DVD. Mais moi, on peut dire que j'ai presque la copie zéro. Mais ouais. C'est pas vraiment la copie zéro parce qu'au cinéma, c'est pas ça une copie zéro. Ouais. Mais j'ai. Oui. C'est bien. Et le cinéma aujourd'hui, est-ce que tu as encore le goût d'en faire ou c'est le... Ah bah le goût, ouais. Moi j'ai écrit deux scénarios, oui, un que j'ai failli tourner donc avant le Covid, je t'avais expliqué, puis ça se passait au Maroc, bref. Et l'autre, il faut que je prenne le temps de le réécrire, en fait, parce que le scénario n'est pas encore abouti. Ça se passe où? L'autre, en France. Ah ben voyons, je reviens chez nous quand même. Moiteur, ce bruit de glaçons, laissez parler le singe en hiver. Stoppez les bouteilles et les tirs de bouchons, je m'en vais à la chasse aux sorcières. Tournez sur tournée, à tourner en rond, canon sur canon, ici c'est la guerre. Arrêtez de radoter à tort ou à raison, dites-moi plutôt de quoi j'ai l'air. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Mais laissez-moi sort. Retrouver le petit garçon qui n'avait pas encore tué son père. Mauvais génie, ange ou gentil démon, lâchez l'affaire, laissez-moi faire. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Laissez-moi sobre. Décoder les nouvelles du front, savoir faire mal à son adversaire, et puis atteindre seul les rives du Rubicon, tout simplement traverser la rivière. Laissez-moi sobre, laissez-moi sobre, laissez-moi sobre, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi sobre. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Que je sache où tu te planques, où tu te caches, combien tu me manques. Laissez-moi sobre. Cessez ce bruit de glaçons, laissez parler le singe en hiver. Cessez ce bruit de glaçons, cessez ce bruit. Cessez ce bruit de glaçons, cessez. Laissez parler. Toujours aussi intéressant de te parler. Ben, oui, c'est toujours un plaisir. On part en vrille, mais on parle toujours de la même chose. Et puis, c'est toujours bien parce qu'il n'y a pas grand média qui touche à ça. Peut-être que c'est un dossier brûlant ou, je ne sais pas, un interdit. Peu importe, on s'ouvre toutes les portes, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et puis, tu es là pour comme Aline Stinus, pour en parler, pour revendiquer et pour être là devant les femmes qui en rament un coup encore aujourd'hui. Ils vont peut-être en ramer quelques-uns. Mais il y a la génération à venir, fille et toutes les... Et mon fils. Et ton fils, oui, c'est ça. Alors donc, la nouvelle, puis peut-être même les enfants de 5-6 ans, je les entends parler dans le métro, puis c'est vraiment... ça ils fait sont, du bien. Comme on disait tout à l'heure, ils sont plus conscients des choses que nous au même âge. Oui, puis ça me fait du bien parce qu'ils ont le sens de la répartie. Au Québec, les enfants, il n'y a pas si longtemps, quand tu écoutais l'école des fans, ils avaient fait la même chose au Québec. Ils posaient des questions. Non, oui. Mais là, non, ils articulent autour du non, du oui. Ouais. On dirait qu'ils ont eu, je ne sais pas si c'est les professeurs ou si c'est, je ne sais pas quoi. Non, mais tu sais qu'en France, on aime débattre, hein, déjà. Oui, on aime parler et on aime débattre. Mais chez nous, au moins, les enfants commencent à avoir un vocabulaire. Ouais, ouais. Et c'est, je trouve que ça fait du bien aux oreilles et à notre esprit de se dire que la suite n'est pas terminée. Au contraire. Voilà. Alors, on leur souhaite bon courage. comme nous, hein, heureusement qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que le courage, peut-être qu'on ne fait pas le même chemin, comme je dis souvent. Hey, mais merci toujours d'avoir passé à mon émission. C'est la quatrième fois. Ouais. C'est merveilleux. C'est chouette, je suis contente. Ben, on appelle ça un suivi. Hein. Ouais. On va prendre quelques photos, parce que ta coupe de cheveux a changé. Mais oui, toutes les années, ça a raccourci. Écoute, en plus, ça fait la fille dans le vent. Une fille active. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Au moins, tu vas prendre des vacances une semaine avec tes enfants. Oui, on part à Santorin. Et son copain va suivre? Pas cette fois-ci. Ils viennent, parce qu'avant, moi, je pars en télétravail chez mes parents, c'est dans le Vercors, là, au-dessus de Grenoble. Et là, le copain suit. OK. Est-ce que tu vas jouer à l'élastique? Non. Si c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de références. Il n'y a pas beaucoup de références, oui, c'est ça. Mais le Vercors, je le connais grâce à l'élastique. Ah, tu vois. Donc, oui. Et surtout à Bachot. Encore trois? Ça tombe bien, je ne sais pas compter. Mon côté anarchiste. Hein. Oui, c'est ça. Merci. Merci à toi. Là, on a le droit de se toucher. Oui, ça y est. Voilà. Le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait plus de problème. Mais il y a 2 ans, c'était autre chose. Hein. Ouais. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que ce putain de gouvernement-là avait la main mise sur notre vie. Hein. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit. Imagine qu'est-ce que ça donne comme idée pour d'éventuels... comment dire, un éventuel reconfinement, mais sur un autre... Oui, oui, oui. Hein, tu vois arriver le truc? Parce que tout le monde a embarqué, hein? Jamais, il n'y a pas eu... Ah non, ce que je disais, dans la fin, on a fait les bons petits soldats. Mais il y a eu des petites manifestations, mais très, très peu. Puis ça coûtait cher, si tu voulais manifester. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que pour faire peur aux gens, il faut parler d'argent. Donc, si tu parles d'argent, ben oh, là, ils vont C'est clair. Alors, tu t'en vas chez toi? Non, là, je vais voir le film d'une copine, qui est un film politique. OK. Un nuage passe dans tes cheveux, la pluie tombe de tes yeux. On faisait l'amour à la mer, on baisait sur le sable. On sentait la crème solaire, c'était plutôt agréable. Il régnait dans l'atmosphère un bleu indétrônable. À faire rougir nos chairs, on vivait comme meurent les crabes. On était anticyclone, anti-intempérie. Ce bonheur que l'on frôle, c'était déjà la belle vie. Robinson qui rigole avec son vendredi. Bourré aux côtes du Rhône du dimanche au lundi. Un nuage passe dans tes cheveux. La pluie tombe de tes yeux. Une triste figure. Dépression de passage ou dépression qui dure. La météo des plages n'est jamais vraiment sûre. Un nuage passe dans tes cheveux. La pluie tombe de tes yeux. Un vent souffle. Un nuage passe à mon oreille. Dans tes cheveux. Annonce la pluie. Le départ du soleil de tes yeux. Chers amis, si je vous ai bien compris,